بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. طيب ما c'est quoi les deux derniers bébés qu'on a pris? Le fait de s'attribuer la ni'ma à soi-même. Le deuxième, c'était d'appeler ce. Le tasmiya par Abd avec autre que les noms d'Allah. Non. Et le verset. Falamma atahuma saliha, ja'ala lahu shuraka fima atahuma. Que Ibn Abbas a dit que c'était par rapport à Adam ou Hawa. Est-ce que Hala. Sahih? Non, mais c'est ça. C'était plutôt parmi la descendance de Adam, des bani Adam, des gens qui avaient fait du shirk. Tayyib. Nourasil, aujourd'hui on a 33 abouab et son kassir, inch'Allah. Qala al-mu'allif rahmahu ta'ala. Babu qulillahi ta'ala. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. À propos de la parole d'Allah, dans le sens où il dit, et certes à Allah que sont les plus beaux noms, alors invoquez-le avec et délaissez ceux qui blasphèment en ses noms. كما تعلم توحيد, on l'a dit au début qu'il y a trois catégories qu'il y avait. Rububiya, al-uluhiya et al-asma wa sifat. Le principal point de divergence avec les mushrikines et les kuffars et les messagers avec leur peuple, c'était dans al-ubudiya, uluhiya. Et dans ce livre, Kitab Tawhid, on a vu du shirk dans le rububiya, hein, dans al-ubudiya. Et là, il va parler d'un petit peu d'une chose qui est liée au asma wa sifat. Qui lui aussi concerne, qui est concerné par le tawhid. Donc, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il dit: Bayna Allah ta'ala anna lahu subhana al-asma al-husna allati la takhtariha naqsun bal yakamal kulluha tadullu ala ma'anin azimatin wa yusafu biha ala wajh al-la'iq به فيدعى بها فيقول يا الرحمن يا عزيز يا غفور اغفر لنا وكذا. Donc il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a bien éclairci dans ce verset qu'il a les plus beaux noms. C'est-à-dire quand on a les plus beaux noms, c'est le summum de la beauté dans le sens et dans l'appellation. Et que ces noms n'acceptent aucun manque, aucun défaut. Ils sont la perfection. Et tous indiquent beaucoup de sens par lesquels Allah est décrit dans ce qui lui convient et par lesquels on l'invoque. On dit, masalan, ô Rahman, ô Aziz, ô Ghafour, pardonne-nous, et ainsi de suite. Waqal, walilhadu fi asma'ihi al-mail anil haq walisharak fiha ma'Allah. كما جعله لغير شيئا من العبادة فقد أشرك فيها مع الله غيره وجعل إلها وصار كافرا بذلك وكذا من ألحد فيها بأن أمالها عن الحق وزعم أنه لا معنى لها كالجهمية والمعتزلة الذين نفوا الصفات والأسماء والصفات جميعا فقد ألحدوا أي مالوا عن الحق. Donc il dit quoi? C'est quoi l'ilhad? Le fait de faire de l'ilhad dans les asma d'Allah. À la base, l'ilhad, c'est quoi? C'est le fait de pencher de la vérité pour aller vers le shirk. Comme le fait d'accorder autre que Allah une chose de l'adoration. Celui-là, il aura fait du shirk. Et il aura pris cette chose-là comme étant une divinité. Il sera devenu kafir par cela. Et bien également, l'ilhad dans les asma, c'est le fait de les sortir de leur contexte. De la vérité qu'elles contiennent. Et de dire par exemple qu'elles n'ont pas de sens. Que ces noms n'ont pas de sens. Et ces attributs n'ont pas de sens. Comme l'ont fait le Jahmiya ou les Mu'tazila, ceux qui ont renié les sifat ou les noms ou toutes les sifat. Donc ils ont fait quoi de l'ilhad? C'est-à-dire ils se sont penché hors de la vérité. Wa minhu طيب وللحاد قسمان الحاد اكبر وهو ما يقع من الكفره. Donc l'ilhad, il est de deux formes. Le premier, l'ilhad qui est akbar. C'est celui dans lequel sont tombés les koufars. C'est-à-dire, ils ont sorti, ils ont penché de la vérité pour aller vers le faux, vers la mécréance. C'est-à-dire, un kafir, tu peux l'appeler mulhid. Ilhad un naqis. Wa wa ma yaqa'u min ba'd al-muslimin fi 'adami al-qiyadihim lil-haqq 'ala tamam wa kamal fa yakunu lahu wa lahum nu'm ilhad wa mayl 'an al-haqq fa yaf فيفوتهم من الايمان والاسلام بقدر ذلك. Et après tu as l'ilhad qui est moindre, l'ilhad qui est réduit, c'est celui dans lequel tombent certains musulmans en ne se soumettant pas pleinement à l'ordre d'Allah et en ne se soumettant pas à la vérité comme il convient. Donc c'est une forme de ilhad, et cela leur réduit de leur foi et dans l'islam. Plus ils font de l'ilhad, plus leur islam et leur iman se réduisent. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ابن ابي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه يلحدون في اسمائه يشركون وعنه سموا واللات من الاله والعزة من العزيز. وكذلك ابن عباس ابن ابي حاتم صلى ابن عباس dans sa parole qu'il dans le sens où il dit il blasphème dans ses noms, c'est-à-dire ils font du shirk par rapport à ses noms, c'est-à-dire qu'ils ont nommé al-lat. Al-Lat, ça a été pris de Al-Ilah, Mushtok, c'est-à-dire c'est un nom qui est dérivé d'un autre en arabe. Et Al-Uzza, c'est un dérivé de Al-Aziz. Et Al-Ilah, c'est Min Asma'illah. Ou Al-Aziz, Kazalik. Donc ils ont pris ce qui revient à Allah pour leur donner leur fausse divinité. An Al-A'mash, yudkhiluna fiha ma laysa minha. Selon Al-A'mash, qu'il dit qu'il rentre dans ses noms également ce qui n'en fait pas partie, dans l'essence ou dans la prononciation. Donc il dit ça, c'est le shir, c'est une forme d'ilhad. Anna yusama Allah bi asma manzalaha biha min sultan faya nour min al-ilhad ay nour min al-batil. Le fait de nommer Allah par des noms dont il n'a donné aucune preuve, ça doit être une forme d'ilhad, une forme du batil. Et nour, c'est connu dans, par exemple, en français, on dit Dieu. Ça rentre dans ce bab-là. Dieu, c'est pas parmi nous dans l'Allah. Maintenant, si tu veux le fait de définir, comme je le dis souvent, traduire El-Ilah, la divinité, par un Dieu, ça, il y a un Wadji. Mais le fait d'en faire une nomination, Isma Alam, vous voyez, ça, non. Ça, non. Et les gens, quand ils disent Dieu, par là, le nommer. Ils veulent en faire un nom. Donc, lorsqu'ils font cela, ils font de l'ilhad, fi asma'illah. Wa kazalika qala ba'dhum fil lat min al-ilah wal-'azza min al-'aziz, fa hadha nawm min al-ilhad. Donc, comme on l'a dit, certains ont dit que al-lat, ça vient de al-ilah wal-'azza min al-'aziz. Et il dit également le fait de tomber dans les ma'asi, c'est une forme d'ilhad. Cependant, il est asghar. ومن جهاد الله واشرك معه فهو الحاد اكبر. Et celui qui aura renié Allah et associé avec lui, cela est ilhad akbar. J'ai oublié le livre. Français. Non. لا ها؟ Tu l'as déjà lu? لا ما في وقت الان. خلاص. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de masail, elles sont واضحات. Le shahid de ce bab, c'est le fait de renier l'Inde d'Allah, مثلاً, de les transformer, de les altérer, de les interpréter autre que ce sur quoi ils sont, ou le fait de nommer Allah par un nom qui n'est, un des noms qui n'est pas les siens, ou le fait de prendre ces noms pour les en faire un dérivé vers les fausses divinités, ça rentre dans Al-Ilhad. Et ça rentre dans le Tawhid. ثم قال رحمه الله تعالى باب لا يقال السلام على الله. On ne dit pas le salam sur Allah. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. Donc dans le Sahih sur l'Ibn Mas'ud, qu'il est dit, avant notre tashahhud, nous disions, nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous disions dans la salat, le salam sur Allah, sur ses serviteurs, et le salam sur Foulain. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ne dites pas le salam sur Allah, car le salam c'est Allah. Non. Et là, il dit que le shir est salam lahu ma'nayan. Dans ce hadith. En fait, le salam a plus de sens. Mais là, dans le hadith, il dit Ay huwa as-salim min kulli naqsin wa 'aybin, fa huwa al-kamal al-mutlaq min jami' al-wujuh fi dhatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Donc, en premier lieu, on veut dire celui qui est démuni, celui qui est saint de tout défaut, de tout manque. Il a la perfection absolue, hein, sous tous les angles. Dans son essence, dans ses noms, dans ses attributs et dans ses actes. C'est-à-dire que ça, salam, min asma'illah. Et également, autre sens, al musallim li'ibadihi. Ay allazi yu'ti as-salam. Donc c'est également le musallim pour ses serviteurs, c'est-à-dire celui qui leur donne le salam. Qui leur donne la paix. Donc on ne dit pas as-salam al-Allah, ça ne se dit pas, ça ne convient pas. D'accord ? Car c'est ou son nom, ou alors un attribut d'une chose qu'il fait par rapport à ses serviteurs. Donc ça ne peut pas être sur lui. Quand on dit salam Allah ala ibadi, c'est un dua. Et Allah la yud'a lahu. Vous voyez ? On ne fait pas de dua pour Allah. Allah ou al-Ghani. Il n'a pas besoin de nous pour ce dua pour lui. Nous, on fait des dua pour nous, les créatures. Mais faire un dua pour Allah, il n'en a pas besoin. Donc celui qui fait un dua pour Allah, c'est comme dire qu'Allah, il a un besoin. Donc ça touche à quoi ? Au tawhid. C'est-à-dire tu réduis du rang d'Allah subhanahu wa ta'ala du fait que tu, dans ses attributs, tu fais passer Allah comme étant, comme en ayant une haja venant de ses créatures. Chose qui n'est pas le cas. Allah ou al-Ghani ou antumul fukara. Allah c'est le riche et vous êtes les pauvres. Et là le Ghani c'est al-Ghina al-Mutlaq, c'est la richesse absolue. Tout lui appartient. Et là dans le hadith quand il dit salam à la Foulain, dans une version c'est venu Foulain, il veut dire par là Jibril ou Mikaïl. Donc il dit wa yuqal lil makhluq assalamu alayhi lianhu muhtajun ila afiyati wa du'a. Donc on dit à la créature salam alayk. Pourquoi? Parce que lui il a besoin justement de afia et de du'a. On fasse du'a pour lui, il a besoin d'être préservé. Donc là, c'était ceux qui étaient courts. Qu'on ne dit pas le salam à Allah, comme cela fut le cas. Certains sahaba l'ont fait fut un temps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a rectifiés par rapport à cela. Et c'était lors du tashahhud. Et là, ces blessés sont kassir. Même ceux qui viennent après, ils sont kassir. C'est une masse à la selle. Mais elle est liée au tawhid, donc elle est citée dans ce livre. ثم قال المؤلف باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. Le fait de dire ô Allah, pardonne-moi si tu veux. Pardonne-moi si tu veux. Donc le fait de dire pardonne-moi si tu veux, le si tu veux, comme l'a indiqué Cheikh Al-Faymin, cela réduit le tawhid. Car c'est comme si le serviteur ressentait que il y a un nid qui se passe dans l'Allah ce moment-là. C'est comme s'il disait si tu veux, c'est-à-dire si tu le fais pas, c'est pas grave. Elle dit pardonne-moi si tu veux. Ce n'est pas le cas. C'est comme si genre si Allah ne lui pardonne pas, il dit khalas. Il y a ça qui ressort de ce qu'elle aime là. Si je te dis Masalène, tu me dis ouais Khalil, est-ce que tu veux cette chose là? Je dis si tu veux. D'ailleurs quoi si tu veux, d'ailleurs en fait si tu me la donnes pas, c'est pas grave, je m'en passerai. Sinon je dirais oui je la veux. Alors, j'en ai besoin. Alors que dire du serviteur par rapport à son Seigneur? Il a besoin de tout à la base. Donc là dire inshita, c'est comme si tu. Il y avait une forme de istirna anillah. Dans un dua, tu dis pas Inch'Allah également. Ça ressemble à ah, ouais. Ah, c'est pareil, Inch'Allah, c'est si Allah veut. Et si c'est un doa, non, tu dis pas Inch'Allah. Maintenant, si c'est un ikhbar, c'est autre chose. Mais si c'est un doa, il n'y a pas Inch'Allah. Si c'est une demande, d'accord ? قال أراد المؤلف بهذا أن يبين أنه من كمال الإيمان وكمال التوحيد العزم على المسألة وعدم التردد وأن المؤمن إذا دعا ربه فليعزم ولا يتردد فإن جود الله عظيم وهو الغني المحميد فلا يليق بالمؤمن أن يستثني في سؤاله إنما يستثني في سؤال المخلوق لأنه قد يعجز أو يمتنع أما رب فهو الغني القادر. Il a voulu dire quoi par là le mu'allif, comme le dit le shir, que fait partie de la perfection de l'iman et du tawhid, le fait d'être décisif dans la demande envers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es déterminé de la chose. Et tu ne dois pas être hésitant. Car lorsque le mu'min invoque son Seigneur, quand même, il est déterminé à ce que son Seigneur lui réponde. Car la générosité d'Allah, elle est immense. Et c'est lui qui est le riche et le loué. Donc il revient pas au moumine de faire des exceptions dans sa demande. Quand on dit exception, istisna, là, c'est le fait, comme le fait de dire in shit, si tu veux. Tu peux le faire avec la créature, car la créature, il se peut qu'elle soit dans la capacité de te répondre. Tu dis par exemple, fais ça si tu peux, si tu veux. T'as même ? Avec Allah, il peut tout faire. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne veut que le bien pour toi. Après, il se peut qu'il n'ait pas qaddar, que cette chose que tu lui demandes, il te l'accorde. Mais le fait de dire si tu veux, ça réduit le son rang, subhanahu wa ta'ala, par rapport à sa création. Qal في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. الحديث المتفق عليه qui le dit le prophète صلى الله عليه وسلم que aucun d'entre vous ne dise اللهم ou Allah pardonne-moi si tu veux ou Allah fais-moi miséricorde si tu veux, mais qu'il soit déterminé dans la demande. Car Allah, il n'y a rien qui le contraigne à quoi que ce soit. Abadan. Comme on l'a dit, ça fait comme si le serviteur lui-même n'était pas contraint, n'était pas dans le besoin de cette demande auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une forme de genre, j'en ai besoin, je le veux, mais je pourrais m'en passer si je ne l'ai pas. Tout ce qui n'est pas possible. Quand tu demandes à Allah le pardon, tu ne te passeras pas sans pardon. Tu demandes qu'il te préserve de son châtiment, tu ne te passeras pas. Il y a peut-être des choses dans la dounia dont tu peux te passer. D'autres choses, mais impossible. Tu ne t'en passeras pas, jamais. Et Allah, tu ne te passes pas lui, de toute façon. قَالَ وَلِمُسْلِمْ قَالَ وَلْيُعَذَّمْ أَرَغْبَتَ فَإِنَّ اللَّهَ لَيَتَعَذَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ. Et il dit également qu'il amplifie sa convoitise et son envie, c'est-à-dire dans sa motivation dans ce qu'il veut. Car Allah, il n'y a rien qui est immense dans ce qu'il donne pour lui. Rien du tout. قال الشيخ بل هو الله تعالى العظيم الشأن الغني الحميد كل شيء يعطيه عباده فهي عنده قليلة يسيرة وإن أعطاهم شيئا عظيما سبحانه وتعالى. Car le azim, c'est qui? C'est Allah. Et s'il donne une chose à son serviteur, elle n'est rien pour lui. قال فعلى المؤمن أن يكون شديد الرغبة فيما عند الله شديد التعلق بالله شديد اللجوء إليه والانكسار وأن يسأله سؤال الراغب المضطر ولا يستثني وكذلك إذا دعا لإخواني لا يقول تعواو لا يقول تعواو تنبا ما جاء واو ما يبقى ما يبقى واو بس كله مجزوم. T'as un waouh. Normalement, c'est un. Ouais. Alors, c'est là, il y a cool. C'est un lanahi, jazim. ou tout ce qu'il a voulu qu'on a pris dans le fiqh, un insha, c'est une forme de khabar. Al-Muhim, la yakul, ghafalallahu laka insha'a, ou rahimaka insha'a Allah, bel yajzam, wa la yakul insha'a Allah, wa law tabarrukan, fa la yastathni abada. Donc il dit qu'il faut que le mu'min ait une grande motivation et soit grandement, a une grande convoitise dans ce qui est au cadre d'Allah, qu'il soit grandement accroché à Allah et d'un grand retour vers lui et qu'il s'humilie devant lui. Et lorsqu'il qu'il pose une question, enfin du moins qu'il lui demande une chose, qu'il convoite cette chose-là et qu'il se sente contraint de le faire et qu'il a besoin d'Allah. Et qu'il ne dise pas « si tu veux ». Et il dit pareillement pour les do'as, pour ses frères. Il ne dit pas « Allahumma » ou « Allah pardonne, qu'Allah te pardonne s'il veut, incha'a » comme tu as dit tout à l'heure. Ou « Rahmakallah, incha'Allah, qu'Allah te fasse miséricorde s'il veut. » C'est la même chose. Que ce soit en khitab ou soit en ghaib, c'est le même hukm. Ça ne se dit pas. Donc voilà, c'est le travail qu'on a pour aujourd'hui, c'était Qasir. Et j'ai oublié également encore le livre pour prendre les masaïl, mais bon. Kanat Qalila, Kazalik. Naam. Wa ghadan azun kazalik sayakun thalath abwab. Azun hawla hadha, lianaha qasira. Naam. Mafhouma hadha? Fa ila huna. Wa alhamdu lirabbil alamin.